renard brun qui court et qui s'affole. Un tourbillon l'affole et l'atteint. Le renard regarde et s'en va. Il est parti, décevant, se rend en plan. Ne le mangez pas, c'est un être comme nous. Il est parti trop vite dans l'écrasement. Fat s'enfuit de ternaire de ne pas le rendre mou. Triste destin d'un renard brun. Il est parti vers un ciel divin. Il ne demandait qu'à courir, qu'à marcher dans la prairie, pas de courir. Petit renard gris, tu es sorti très tard. Petit renard aigri, tu es parti trop tôt. Et moi je t'aime, et ta mort, comme Léotard, me rend triste, tu me rappelais plus tôt. Triste destin d'un renard brun. Il est parti vers un ciel divin. Il ne demandait qu'à courir, qu'à marcher dans la prairie, pas de pourrir. Petit Léo, parti quand je buvais de trop. Tu ne t'es pas remis de ta mort de là-haut. Écrasé par la science, par ce qui vient de là-haut. Je ne dirai qu'un mot, ce que je hais, c'est vos mots, triste destin, d'un renard brun. Il est parti vers un ciel divin. Il a demandé qu'à courir, qu'à marcher dans la prairie. Pas de mourir.